Amis humains, bonjour. Voici le numéro 2 d'une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science avec son énorme flot quotidien de publications tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 6. Histoire de la robotique, la cybernautique. Le mot cybernétique vient du grec cybernésie, diriger, gouverner. Cette discipline cherche à expliquer, grâce à des concepts mathématiques, les comportements de systèmes naturels ou artificiels, ainsi que les échanges d'informations entre ces systèmes. À une apparente similitude de comportement entre machines et organismes naturels, la cybernétique recherche des explications communes. L'accent est mis sur le comportement plutôt que sur la structure qui le réalise. L'analogie avec le vivant est recherchée et l'esprit est largement pluridisciplinaire, même si la logique mathématique reste le concept central. En 1948. John von Neumann, à qui l'on doit l'architecture de nos ordinateurs, utilisait la notion de description codée des automates dans un projet d'automate reproducteur. Le mécanisme qu'il avait imaginé à l'époque préfigurait, de manière étonnante, les principes de fonctionnement de l'ADN découverts par Crick et Watson peu de temps après. Au-delà d'une théorie, la cybernétique s'attache à la réalisation de machines capables de reproduire des comportements de systèmes naturels. Le cerveau humain est, bien sûr, une importante source d'inspiration pour les chercheurs. La cybernétique a disparu comme champ scientifique distinct, non pas par épuisement de son sujet, mais parce que son approche s'est fondue dans beaucoup de domaines scientifiques qu'elle a fortement enrichi. Pour ne prendre qu'un exemple, la génétique serait aujourd'hui incompréhensible sans recours explicite au concept de codage et de communication d'informations entre systèmes interagissant. Fin de cette sixième partie, à bientôt. Grosse bise numérique.